J'ai entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police. C'est la merde. L'armée. C'est la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine libertaire sur Jet FM. Ici, on cause de l'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. Nous sommes là tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur Jet FM 91.2 et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter en direct dans le studio au 02 28 25 23 88 et nous écrire à maglib@riseup.net. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, nous sommes le 26 février, donc nous allons diffuser en fin d'émission un appel à la manifestation contre les grands projets inutiles qui aura lieu samedi à Nantes. Nous parlerons d'abstention, nous diffuserons un son qui relate donc un entretien d'une paysanne retraitée en Ardèche et qui nous parle de la retraite agricole, entre autres. Et nous allons commencer tout de suite par le billet qui s'intitule aujourd'hui « Le problème aborigène ». Bon, eh bien, mea culpa. La semaine dernière, je me suis complètement planté. Je vous avais prédit la fin du monde pour le jeudi suivant et forcé de constater que je suis toujours là à déblatérer mes conneries. Mais c'est pas grave. Au grand jeu des prédictions pourries, je retente ma chance dès aujourd'hui. Faut dire que cette fois, j'ai quelques billes supplémentaires. Un drame se joue juste là, à nos portes, mettant en péril l'équilibre même de toute notre civilisation. Vous êtes bien sûr déjà largement au courant, je veux parler ici du coronavirus, Covid-19 de son petit nom, et de la catastrophe en Italie, où l'on compte déjà 7 morts et plusieurs centaines de personnes infectées. Mais plus les jours passent et plus la situation s'aggrave. Comme si l'humanité n'avait pas déjà suffisamment souffert, voilà qu'un nouveau cap effroyable vient d'être franchi. En effet, ces dernières heures, nous venons d'apprendre que le tournage de Mission Impossible 7, qui avait lieu aux abords de la zone infectée, a dû être suspendu. Une nouvelle aussi cataclysmique qu'ahurissante pour tous les fans scientologues de Tom Cruise. Car d'un côté, lorsqu'il ne travaille pas, l'acteur se mue alors en prophète prosélyte cinglé et tyrannique de l'église de Scientologie. Ce qui a la fâcheuse tendance à faire fuir les foules. Sauf celle qu'il a déjà fait mettre dans les prisons de la secte, cela va sans dire. D'un autre côté, c'est l'incompréhension qui prévaut. Incompréhension car, selon les préceptes de l'Église de Scientologie et de son fondateur L. Ron Hubbard, tous les humains sont en réalité des êtres immortels, mais qui par malheur, ou par bonheur, ça dépend de qui on parle, l'ont oublié avec le temps. Or, Tom Cruise, étant jusqu'à preuve du contraire un être humain, scientologue de surcroît, il devrait donc en toute logique être immortel. Et de ce fait, pouvoir allègrement narguer le coronavirus en lui crachant à la gueule en toute sécurité. Mais alors, pourquoi tout ce mystère? Pourquoi cette suspension de tournage? Nous aurions-nous menti? C'est exactement ce que vous ne saurez pas en écoutant ce billet foutrac, puisque je vais maintenant vous causer d'un sujet diablement plus intéressant. Pour cela, nous allons prendre un peu de hauteur et tranquillement remonter la piste des nuages de fumée, direction l'Australie. L'Australie, pays continent où sont venus s'établir, il y a de ça 50 à 60 000 ans, les représentants d'une branche d'Homo sapiens. Les ancêtres de celles et ceux que l'on nomme aujourd'hui les aborigènes. Ces populations se plurent tant et si bien dans toutes ces contrées sauvages et magnifiques qu'elles décidèrent de s'y installer pour de bon, colonisant les lieux, s'acclimatant aux conditions, s'insignant dans l'écosystème jusqu'à devenir un maillon comme un autre dans la chaîne alimentaire. Bon, d'accord, un maillon un tout petit peu plus proche du sommet, comme tout bon sapiens qui se respecte. Mais allez-y, vous, pour chasser le naturel. En tout cas, à partir de ce moment-là, les aborigènes prospérèrent, à l'abri du tumulte du monde. Bien aidé par le fait qu'entre-temps, la fin de l'ère glaciaire, il y a de ça maintenant 20 000 ans, entraîna une montée des eaux qui les coupa du reste du monde, transformant pour longtemps l'Australie en une île que l'on connaît encore. Ils s'organisèrent alors en centaines de tribus, éparpillées sur l'ensemble du territoire australien. Chacune de ces tribus possédant sa propre culture, sa langue, ses traditions et ses légendes. Pourtant, il y a bien quelque chose que les aborigènes ont pour la plupart en commun. Un pan de leur culture qu'ils appellent le temps du rêve. Une sorte d'espace-temps parallèle et métaphysique, à la fois passé, présent et futur, imprégné du mythe des origines et lieu de rencontre avec les esprits des ancêtres, des montagnes, des plantes et des animaux. Le tout à la fois, puisque tous et toutes sont interchangeables. Autant dire une spiritualité difficilement accessible aux sapiens que nous sommes, fervents adeptes du cartésianisme. Quoi qu'il en soit, tout allait pour le mieux pour les peuples aborigènes. Ils étaient bien, peinards, en accord avec leur nature qu'ils vénéraient, et cela durait depuis 50 000 ans. Puis, un beau jour, qui n'en avait que le nom, leur rêve allait soudainement se retrouver salement amoché. Les affres du monde commencèrent d'abord à s'imposer à eux avec quelques petites incursions venues d'Asie, rien de bien méchant. Mais ces contacts en annonçaient d'autres beaucoup moins plaisants. Une nouvelle sorte de sapiens, à la peau blanche, venue de lointaines contrées, allait bientôt réduire les peuples aborigènes à l'esclavage, massacrant au passage leur nature sacrée et préservée. Ainsi, entre le XVIe et le XVIIe siècle, des missions hollandaises, portugaises, françaises ou anglaises se succèdent sur les côtes australiennes. Finalement, c'est la Grande-Bretagne qui impose sa supériorité, annexant en 1770 la côte orientale de l'île par son navigateur vedette James Cook. L'Australie devient par la suite une colonie pénitentiaire, pendant près d'un demi-siècle, jusqu'à la découverte de filons d'or dans les montagnes, déclenchant en quelques décennies une multiplication par 10 de la population de l'île. Pendant toute cette période, les contacts entre colons européens et aborigènes sont inégaux. Si une partie du territoire australien est encore inexplorée, permettant aux populations qui y vivent de continuer de jouir d'une tranquillité et d'une liberté certaines, les autres, en revanche, subissent vite les méfaits de cette proximité avec cette nouvelle civilisation. Les maladies venues d'Europe condamnent d'abord très vite une partie des aborigènes. Puis, c'est au tour de l'alcool de se révéler comme un terrible fléau, avant que l'expansion coloniale meurtrière ne s'impose comme une troisième lame ensanglantée. Les conflits entre colons et aborigènes furent innombrables, et le point d'origine en fut toujours l'occupation éhontée des terres par les Britanniques dans un but d'exploitation et de destruction, ce que ne pouvaient accepter les aborigènes, bien trop attachés à leurs terres et aux esprits qui en émanaient. Ainsi, en à peine quelques décennies, famine, exil forcé et massacres décimèrent la population aborigène, provoquant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Puis, ce fut l'ère de la démocratisation, de l'indépendance et du développement de l'Australie. Un pays alors à la pointe de la modernité sociale, dans lequel le pays travailliste prit très tôt une grande importance. C'est ainsi que certaines régions accordèrent le droit de vote aux femmes dès 1884. Et à peu près à la même époque, des retraites pour les personnes âgées ou des salaires minima pour les ouvriers. Mais pour les aborigènes, point de progrès. Cantonnés qu'ils étaient dans des réserves, leurs conditions de vie étaient épouvantables. Entre les années 1940 et 1950, plusieurs mouvements réclamèrent le droit à la citoyenneté pour les populations autochtones. Ce à quoi l'État australien répondit par une politique d'assimilation des aborigènes. Assimilation qui ne devenait effective qu'en cas d'abandon pur et simple de leur identité culturelle. Une véritable éradication ethnique qui ne souhaite pas vraiment dire son nom. Faut dire qu'en la matière, l'Australie possède une longue, une très longue expérience même. Pendant plus d'un siècle, de 1870 à 1970 environ, l'État a mis en place un système d'eugénisme. La loi autorisant alors le gouvernement à enlever les enfants aborigènes, souvent métis, à leurs familles, dans l'optique de les placer dans des orphelinats ou des familles d'accueil. Blanches, cela va sans dire. Car le but non caché de ces manœuvres était purement et simplement la préservation de la race blanche. Ces représentants australiens se sentant menacés par le nombre croissant de métis, alors que l'objectif de départ était justement clairement d'atteindre l'extinction définitive des aborigènes, pas d'aboutir à un entre-deux. Mais dans les années 70, l'État australien sera bien obligé d'admettre l'échec de sa mission. Tant pis. Tant pis aussi donc pour les milliers d'enfants de génération volée, comme on les appelle là-bas, et dont on sait aujourd'hui pour un certain nombre ce qu'ils sont advenus. Ces enfants avaient interdiction de pratiquer leur langue et ne devaient conserver absolument aucun lien avec leur culture d'origine, évidemment. Ils reçurent donc un niveau d'enseignement minimum dans le but d'en faire des travailleurs manuels dédiés aux basses tâches de la société, pour les garçons, et destinés à devenir domestiques, pour les filles. Entre 20% de ces filles et 10% des garçons subirent des violences sexuelles au sein des institutions ou des familles d'accueil dans lesquelles ils et elles étaient placés. Le tout aboutissant logiquement à un taux d'incarcération 3 fois plus élevé pour le reste de la population aborigène, elle-même ayant aujourd'hui 15 fois plus de chances d'être emprisonnée par rapport à n'importe quel Australien. On pourrait naïvement penser que ces pratiques sont d'un autre âge. Pourtant, c'est en 2016 qu'a éclaté un grand scandale concernant des actes de torture perpétrés par des gardiens sur des adolescents aborigènes au sein des prisons australiennes. Des actes pas du tout isolés, bien au contraire, puisque jugés systémiques par le gouvernement australien lui-même. Gouvernement qui a reconnu d'ailleurs au passage être depuis très longtemps au courant de ces pratiques. Humiliés, écrasés, déstructurés, rejetés, massacrés, spoliés, enfermés, violés, traqués. Le sort des aborigènes d'Australie est une tragédie que l'humain ne connaît que trop bien. Et évidemment, comme à chaque fois, les conséquences ne peuvent être que désastreuses. Les communautés aborigènes ayant déjà été décimées ces 2 derniers siècles, il faut aujourd'hui ajouter à ces injustices les fléaux liés aux consommations excessives d'alcool et de stupéfiants, sans omettre des taux de suicide effarants, en particulier chez les enfants et chez les adolescents. C'est une sensation de répugnance qui me monte du fond des tripes. Répugnance pour un système et pour une société qui ont choisi de broyer le beau pour servir le lait. Et je m'abandonnerais volontiers à vouloir les voir brûler si je ne savais pas déjà qu'à l'autre bout de la terre, comme à côté, s'y déroulent exactement les mêmes atrocités. Alors que pour tout réparer, c'est le monde entier qui voudrait mieux voir partir en fumée. Or a woman. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. Donc maintenant, nous allons diffuser un entretien qui concerne les retraites agricoles. C'est un entretien avec une personne donc, qui s'appelle Véronique et qui est paysanne retraitée en Ardèche. Elle va nous parler des retraites agricoles et des statuts des paysans et notamment des paysannes. Alors c'est un entretien qui vient d'une émission qui s'appelle Les paysans et paysannes dans la lutte des classes. C'est une émission sur l'agriculture et les luttes paysannes qui est diffusée sur Radio Canu un jeudi sur deux de 18h à 19h. On vous laisse écouter et on vous retrouve après l'entretien. Alors, je m'appelle Véronique Léon. Je suis à la retraite depuis un an. J'étais en Gaec avec mon mari sur une ferme en Ardèche de chèvres, 60 chèvres en production fromagère et 3 hectares de châtaigniers. Sur une ferme assez pauvre, en fait, où le foncier était difficilement accessible. Et puis, c'est sur une zone de pente très séchante, plein sud. Voilà, pour la situation. Et depuis un an, on a vendu nos parts de GAEC à 2 jeunes femmes qui ont repris comme c'était, en fait, hein, avec les chèvres et les châtaigniers. Et ça se passe bien, voilà. D'autre part, je milite à la Confédération paysanne depuis pas mal d'années, entre autres à la Commission Femmes, voilà. Ok. Et bah du coup peut-être à partir de donc là c'est ce mouvement contre la réforme des retraites en ce moment et on a vu un peu que la conf participait non pas du côté du gouvernement mais du côté des personnes qui s'opposent à ce projet. Du coup c'est l'occasion de revenir un peu sur ces questions des retraites et notamment au niveau agricole. Du coup je sais pas si tu peux expliquer à partir de ton exemple puis des gens autour de toi. On entend régulièrement que les retraites paysannes sont très basses, mais peut-être si tu peux resituer un peu ça à partir d'exemples, ce niveau de retraite et à quoi il est dû par rapport à ton parcours, les statuts que tu as eus ou non, et voilà, un petit peu revenir sur ce parcours-là. D'accord. Alors déjà, le niveau des retraites, il est très très bas pour tout le monde. Hein. J'étais autour, je ne sais plus à 20 euros près, mais c'est autour de 800 euros pour les hommes et autour de 600 euros pour les femmes. Alors déjà, le premier point, pourquoi c'est si faible? C'est une question de régime de la MSA, donc on n'a pas le même... on n'est pas du tout sur les mêmes règles que la Sécurité sociale. Ça a été décidé, je crois, au moment de après la guerre, là, de pas se mettre sur les bases de la Sécurité sociale. Et du coup, les cotisations étaient moindres et on se retrouve avec des retraites vraiment minables. Maintenant, les cotisations MSA ont beaucoup augmenté, mais ça ne rattrape pas. Alors après, sur le fait que les femmes, c'est beaucoup moins que les hommes, faut revenir à l'histoire du statut. Parce que pendant longtemps, les hommes étaient chefs d'exploitation et les femmes... On appelait ça ayant droit. Donc c'est vraiment du foutage de gueule d'appeler ça ayant droit alors que on a droit à rien du tout à part l'assurance maladie. Hein. C'était minable. Alors, par exemple, moi, j'ai eu une première ferme avec mon premier mari pendant 8 ans. Et pendant 8 ans, il n'a pas cotisé pour moi. Et ce qui fait que j'ai un gros trou. Après, j'ai recommencé des études pour pouvoir travailler. Donc de nouveau, pas de cotisation. Ensuite, j'ai eu une période de 12 ans comme salarié. C'est ça qui me sauve parce que les 12 ans, même pas, ça fait 11 ans. 11 ans de salarié, ça me fait des 2/3 de ma retraite. Hein. Et toute ma carrière agricole, ça fait 1/3 de ma retraite, qui est de 940 euros. Et ensuite, en fait, à partir de 2000, je me suis réinstallée, enfin, c'est mon mari qui s'est installé, et c'est l'année où il y a eu le nouveau statut de conjoint collaborateur ou conjointe collaboratrice. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis mise conjointe collaboratrice, c'était toujours mieux que rien, ayant droit entre guillemets, donc je me suis mise conjointe collaboratrice. Ce qui n'est pas un statut extraordinaire, hein, c'est moins que exploitant, mais c'est quand même mieux que rien, voilà, j'étais... Et puis... Après, en 2000, 2010, je crois, il y a eu la loi d'orientation agricole qui a reconnu le GAEC en époux, qui n'était pas permis jusque-là. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes dans le GAEC. On considérait que mari et femme, ben, c'était la même ferme, et du coup, c'était déjà une entité. Il n'y avait pas besoin d'être associé. Et la conf a beaucoup, c'est beaucoup bagarré pour que le GAEC entre époux soit accepté. Et en 2010, quand c'est passé, le décret d'application est passé en 2011. En août 2011, je me suis associée avec mon mari en GAEC, 50-50. Et c'est juste à partir de ce moment-là que j'ai eu un vrai statut. Alors 2011 jusqu'à 2019, ça fait très court. C'est pour ça que ma retraite agricole est assez faible. Et samedi, il y avait une réunion femmes à Aubenas, hein, une réunion femmes entre Sivam et Conf. Il y avait une femme un peu plus jeune que moi qui travaillait encore, et elle me disait qu'elle avait un statut de conjointe collaboratrice seulement depuis 2015. Et bien elle, je peux vous dire qu'elle n'aura pas une grosse retraite. Hein, sachant qu'en plus, mettons qu'il y en ait un des deux qui meurt, Réversion. Reconversion, c'est pas du tout évident à voir, les plafonds sont très très bas. Non, mais c'est vraiment un statut minable. Et oui, parce que pour préciser, du coup, toi, quand tu as été conjointe collaboratrice, tu avais un statut un peu plus reconnu qu'en tant qu'ayant droit, mais qui n'était pas un vrai statut à part entière, donc tu cotisais moins et tu avais accès à moins de droits, c'est ça? Voilà, c'est ça, accès à moins de droits, moins de recotisations, accès à moins de droits. Encore moins. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a une telle différence entre la retraite des hommes et des femmes, même si les deux sont minables, mais c'est encore plus minable pour les femmes à cause de ça, parce qu'elles ont des périodes où elles n'ont pas cotisé, elles sont pas reconnues. Ok. Et peut-être un cas supplémentaire, c'est celui des cotisants solidaires ou cotisantes solidaires. Actuellement, ces personnes-là n'ont pas accès du tout à la retraite, c'est ça? Ah, mais ni à la retraite, ni à la sécurité sociale, hein, rien. Elles ont juste maintenant le droit de se former. Je crois qu'elles ont droit aux formations Vivea, mais c'est tout. Alors ça, c'est vraiment un statut qu'il faut voir disparaître ou qui peut être transitoire. Ça peut aider des jeunes qui ont vraiment une toute petite surface, par exemple, en maraîchage ou je sais pas quoi, pour démarrer, pouvoir vendre. Parce que là, ça donne le droit d'aller vendre ses produits au marché. Oui. Mais c'est tout. Et il faut vraiment que ce soit transitoire. Et nous, on insiste toujours là-dessus. Et moi, chaque fois que je suis en réunion avec des jeunes, je leur dis, mais ayez un statut, accédez aux droits, parce que sinon, on le regrette trop amèrement. Parce qu'ils ont tendance à dire, oh, de toute façon, on n'aura jamais de retraite. Mais c'est faux. Je pense que c'est faux. Il faut vraiment continuer à y croire et à... Et puis accéder à un vrai statut. Et ça, justement, peut-être par la commission femmes ou par la conf, sur les nouvelles générations de personnes qui s'installent, tu vois une évolution quand même en termes de statut. Je pense notamment au cas de conjointe collaboratrice ou conjoint collaborateur. Est-ce que les gens ont plus rapidement un réel statut pour toutes les personnes de la ferme, ou est-ce que ça continue quand même un peu un modèle déséquilibré? Oui, je pense qu'il y a une évolution dans le bon sens. Je crois que les cotisations de cotisations solidaires ont augmenté et que du coup, ils basculent plus facilement, parce que tant qu'à payer, autant avoir des droits. Il me semble, ça faudrait vérifier les montants, parce que j'ai pas les montants en tête, mais il me semble que c'est une histoire comme ça, parce qu'il y en a beaucoup plus, là, depuis 2 ou 3 ans, qui accèdent plus rapidement au statut. Ben après, moi, j'ai pas accès à toutes les statistiques. Hein. Ouais, mais il y a encore quand même des cas, notamment des gens qui s'installent en couple, il y a encore quand même un certain nombre de gens qui s'installent avec un seul statut et un statut de conjoint en supplément, quoi. Ah oui, ça existe, c'est encore courant. Oui. Ça, il y en a encore beaucoup. Bon, après, il faut bien communiquer. Moi, je sais que quand... pourtant, j'ai des responsabilités depuis longtemps et tout ça, je suis pas sous la coupe de mon mari du tout. Hein. Mais par contre, quand j'ai eu mon statut d'associé avec lui, je pensais pas que ça changerait autant de choses, même dans la tête. Et même dans mes rapports avec lui, quand il prenait une décision pour me consulter, je disais, attends, mais je suis associé avec toi, 55 ans, tu prends pas des décisions sans m'en parler. Et c'est drôle parce que j'ai découvert cet aspect que je pensais pas, moi je pensais plutôt à l'aspect financier, la retraite, la cotisation et tout ça, et pas à l'aspect moral. Et quand on faisait un tour de table, j'étais assez fière de dire, ben voilà, je suis en gang avec mon mari à part égale. J'ai trouvé que c'était valorisant. Alors moi je leur dis aux jeunes, faites-le parce que il y a aussi cet aspect-là qui compte. Et du coup, peut-être si tu veux en dire un mot sur, donc là, t'expliquer un petit peu, toi, ton parcours et notamment sur les retraites, où ça en est pour toi. Est-ce que, du coup, par rapport aux mobilisations en cours, au-delà de ce régime agricole très particulier, qu'est-ce qu'il y a comme raison pour s'impliquer dans ce mouvement et soutenir ce mouvement ? En tant que paysanne et paysan ? Bah déjà, sur le principe, on défend la retraite par répartition, là, plutôt que la retraite à point, parce que on a toujours été à la conf pour tout ce qui est collectif et avoir des droits égaux. Alors ça, c'est le principe. Hein. Et puis, bah oui, c'est surtout ça. En fait, je sais pas ce qu'ils promettent exactement, mais ça va être de toute façon moins avec l'orage pivot et tout ça. Ça va être de toute façon plus d'années travaillées, plus de... Nous, on défendait aussi le droit à la pénibilité. C'est vrai que quand on travaille toute sa vie dans une ferme ou on est ouvrier du bâtiment ou je sais pas quoi, on est plus fatigué que si on est, comptable ou... Enfin, j'en sais rien, d'autres métiers plus tranquilles. Mmh. Il me semble. Alors, c'est pour ça qu'on va dans les manifs, on y est. C'est vrai que là, à chaque fois, il y a des drapeaux de la conf. Hein. Et ça a permis, toi, là où tu es en Ardèche, ou selon toi, ça a permis un peu de tisser des liens là ces temps-ci dans la mobilisation entre, parce que quand même on avait déjà vu ça il y a pas mal d'années dans d'autres mouvements, qu'il y a un peu pas un fossé, mais en tout cas des fois c'est assez éloigné les réalités, les mobilisations syndicales salariées du monde paysan. Est-ce que là ça a permis de faire un peu du lien avec d'autres gens qui sont aussi en lutte sur d'autres questions, quoi? Alors oui, oui et non, parce que moi je manifeste souvent à Privas, qui est une petite ville, et même si c'est la préfecture, et je les connais tous, les autres de la CGT, de Sud, enfin tous les autres mouvements, je les connais bien. Alors ça fait pas plus de liens, mais par contre je vois bien qu'ils sont contents. Ils disent, ah, il y a la conf, quand ils voient les drapeaux, ils sont contents. Parce qu'on n'est pas toujours justement à leur côté. Et là, j'ai des bonnes réactions. Et puis je pense qu'il faut y être, oui. Il y a des fois, on se retrouve, tous les mouvements là, associatifs et tout ça, on se retrouve, par exemple, pour défendre une famille de migrants qui vont être expulsés, ou des trucs comme ça. Donc on se voit assez souvent quand même, hein, oui. Entre tous les mouvements sociaux. Oui, parce que c'est aussi... j'imagine autour de Privas, c'est quand même aussi un milieu où il y a une proximité quand même entre le monde agricole et puis et les autres, étant donné que c'est quand même plutôt il y a Privas, mais autour que c'est quand même plutôt des zones assez rurales avec une forte présence agricole, j'imagine. Oui, oui, je pense, hein, plus que Lyon par exemple, oui, c'est sûr. Ouais. J'avais une autre question sur pour revenir sur les parcours dans le monde paysan en termes de cotisations, de revenus. Peut-être si tu veux dire deux mots sur ce décalage qui existe, enfin qu'on constate avec pas mal de gens qui finalement ont des revenus assez faibles et des retraites encore plus faibles. Mais où finalement leur activité rémunère entre guillemets plus l'outil de production que eux-mêmes, et donc se retrouvent en fin de carrière avec des outils de production à transmettre qui du coup sont chers, et donc ça fait un décalage entre un peu une accumulation, on va dire, de patrimoine plus ou moins volontaire et une accumulation de revenus qui est très faible, quoi. Je sais pas si toi, tu as des exemples autour de toi et si, s'il y a des solutions aussi face à ça, quoi. Ouais, alors c'est pour ça qu'à la conf, on est contre ces usines que deviennent les fermes, avec pas mal de matériel, de foncier et tout ça. On dit qu'il faut partager, parce que quand, en effet, quand on est au moment de transmettre, eh ben, c'est presque impossible à transmettre, sauf à avoir des sociétés avec plein d'associés. Alors nous, on a toujours évité ça, on a toujours voulu rester relativement petit, entre 40 et 60 chèvres, et puis on n'a pas beaucoup de foncier. Et on s'est retrouvé au moment de transmettre, on a beaucoup réfléchi, on s'y est pris longtemps à l'avance, et on a fait ça en concertation avec nos repreneuses, de calculer le prix le plus juste, avec l'aide du centre de gestion, je dois dire qu'il nous a beaucoup aidé, parce que on a rentré plein de critères, et moi j'invite les paysans qui vont transmettre leur ferme à le faire. Alors la valeur réelle, comme on pourrait la vendre si on vendait séparément les terres, les bâtiments, le cheptel, le matériel. Après, le revenu que ça procure. Et après, elle, les emprunts qu'elle peut faire, ben, leur possibilité à elle, les repreneuses. Et puis, y a aussi un critère qu'on a utilisé, qu'on nous avait donné un peu comme ça, dire la ferme, en fait, elle a à peu près la valeur de une fois et demie le chiffre d'affaires d'un an. Je trouve que ça, c'est un critère qui est pas mal, parce qu'on arrive à quelque chose de juste. Et nous, on n'est pas devenu hyper riche avec la vente de la ferme. Dans notre idée, c'était plus que ça. Mais il faut voir tous ces critères-là. Ça demande une réflexion collective. On a suivi des formations, on a fait pas mal de choses. Parce que si on se dit au moment de la retraite, un an avant, je vais vendre ma ferme, je vais la transmettre, mais il n'y a personne parce que c'est trop cher, et on se retrouve avec la ferme qui est démantelée entre toutes les fermes du coin, et les jeunes ne peuvent pas s'installer. Donc nous, ce qu'on voulait, déjà, c'est ça, c'est important, la priorité, c'est de vouloir qu'il y ait une reprise. Alors ça, c'est le truc absolument indispensable, sinon, si on n'a pas cette volonté-là, eh ben, on finit par dire « Oh ben non, c'est trop cher, ils n'en voulaient pas », ou... Alors, cette volonté de transmettre, il faut qu'elle soit forte et elle n'est pas incitée par justement le capital qui prend beaucoup de valeur, d'importance tout au cours de la vie. Et en effet, toute la vie, nous, ça allait à peu près parce qu'on faisait de la transfo, mais quand on vend des fruits ou de la viande, c'est des revenus moins importants et puis des retraites minables. Et du coup, on a envie de vendre la ferme le plus cher possible parce pour pouvoir... envisager les années qui restent, parce que quand même à 60 ans, 65 ans, il reste pas mal d'années à vivre. Et il faut pouvoir vivre avec des retraites à 700 euros, c'est pas terrible, quoi. Donc, on a tendance à capitaliser. Nous, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. En plus, on a vendu la moitié du GAEC à crédit, on s'est substitué à la banque, en fait. Et les filles en reprise nous payent 800 euros par mois pour nous payer ça, donc ça augmente un petit peu notre retraite. Et elles ont eu comme ça ce prêt sans intérêt, ça a arrangé tout le monde. C'est des petits trucs comme ça à voir avec le notaire, le centre de gestion, les centres de formation qui accompagnent la transmission, voilà, les syndicats, les machins. On arrive finalement à trouver des solutions. Ok. Voilà. Et... j'ai vu qu'une autre, sur ces questions d'incitation à transmettre, il y a plusieurs choses dans les revendications de la conf, justement, notamment, si je me trompe pas, actuellement, des retraités peuvent continuer à toucher des paiements, des aides directes sur les terres, s'ils les gardent, tout en touchant leur retraite agricole, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc la conf demande à ce que les DPU ne puissent plus être touchés une fois qu'on a fait la demande de retraite, pour inciter à ce qu'il n'y ait pas ce phénomène que les gens gardent notamment les terres labourables en se disant bon bah ça va compléter, et pour qu'il y ait une transmission qui soit plus anticipée et plus directe, quoi. Il me semble avoir compris ça. Oui, il me semble aussi. il y a des... C'est sûr que la PAC peut avoir des effets pervers, hein, que ce soit pour la transmission des terres une fois qu'on prend sa retraite, mais même avant, hein, y en a, ils utilisent des terres. Moi, je vois ici, nous, on aurait besoin vraiment de 5 hectares. Enfin, les repreneuses, nous aussi, on avait besoin de 5 hectares. Et ben, il y a des gens qui sont à 30 km d'ici, qui viennent en tracteur, qui font rien du tout sur ces terres, juste pour toucher la PAC. Et ils veulent pas céder ce... C'est du fermage, hein, mais ils veulent pas le céder, que nous, c'est juste à côté de chez nous et qu'on en aurait besoin. Tout ça pour toucher la PAC. Donc, il y a beaucoup d'effets pervers, hein, de la PAC. En même temps, tout n'est pas à jeter. Il y en a qui ont vraiment besoin de la PAC. Mais oui. Il y a des clauses comme ça qu'il faudrait revoir pour pouvoir transmettre, même durant la vie active. Et après, quand on prend sa retraite, ça c'est sûr. Que le foncier soit pas bloqué, qu'il puisse aller à des jeunes qui s'installent. Et il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent sur des toutes petites surfaces, justement, parce que c'est tellement compliqué, ces histoires. Ils font à la fois, il y a des projets gigantesques, et puis des toutes petites fermes de moins d'un hectare avec des collectifs dessus. Et c'est la tendance, je trouve, les petites fermes moyennes comme la nôtre. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins pour s'installer. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je sais pas si tu voyais, toi, d'autres choses à ajouter un peu là-dessus. Je pense que dans les formations des jeunes, y compris au lycée agricole, il faudrait... mettre ces aspects-là en avant. Je suis pas sûre que ce soit fait. L'importance justement d'avoir un statut, de l'importance de pas vouloir bouffer tous ses voisins pour avoir le plus possible de terre et de garder des fermes à taille humaine. Je suis pas sûre du tout que ce soit fait dans les lycées agricoles et dans les CFPPA et tout ça, dans les formations de la chambre. Je trouve que c'est important, voilà. L'importance d'avoir un statut, moi j'insiste toujours là-dessus. Le matin quand que j'ai cassé la croûte, je pouille ma blouse, je prends mon otosio et mon bézoué, et puis en route, je m'en vais comme un pauvre sotosio, entraînant ma vieille patte kirchigne, à force d'aller par mon parvio, je m'en vais bêcher mon quartier de vigne, qui est à côté du champ de navio. Et là-bas, tandis que je m'esquinte à racler l'herbe autour des sas, que je sue, que je souffre, que j'inque, que je quinte pour gagner le bout de pain que je n'ai pas, je vois souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre bougre que l'on emmène pour l'enterrer dans le champ de navio. J'en ai-t-y vu, pis le temps que je pioche, j'en ai-t-y vu ces entarments. J'ai vu passer c'ti du petit mioche et c'ti du pauvre de 80 ans. J'ai vu passer c'ti de la pauvre fille et c'ti des pogs aux bourgeoisiaux et c'ti des ceux, toute ma famille qui dort master dans le champ de navio. À présent le paysan, comme elle riche tout comme elle pauvre paysan. On les a mis à plat sous le friche, c'est plus que du fumier. À présent du bon fumier qu'engraisse ma terre et rend meilleur le vin nouveau. V'là ce que c'est que d'être propriétaire d'une vigne en compte, elle chante navio. Après tout, faut pas tant que je blague, ça m'arrivera, et tout ça. La vie, c'est un arbre qu'on élague, et je serai la branche que la mort coupera. j'passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons. Et quand on me trouvera dans ma vie, on m'emportera dans le champ de Navio. J'passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons. Et quand on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de Navio. Cher abstentionniste, oui, toi là, avec l'oreille collée à ton poste de radio, toi qui nous écoutes dans les bouchons sur le périph, toi aussi qui nous écoutes au taf, ou toi encore qui viens tout juste de te réveiller et qui fait couler ton premier café. Oui, nous toutes là, qui ne votons pas. Nous, l'objet de convoitise des partis politiques qui nous voient comme un vivier de potentiels électeurs qu'il suffirait de convaincre ou de faire culpabiliser pour gagner quelques points de scrutin. Objet d'études aussi depuis des décennies. Mais qui se cache donc derrière les abstentionnistes? Que veulent-elles? Sont-ils politisés? Pourquoi ne votent-elles pas? Bref, nous là, ben moi j'ai envie de nous dire qu'on a bien raison. Qu'on n'a pas à passer notre temps à s'expliquer, à se justifier, à se faire scruter et analyser par les instituts de sondage, ni à se faire culpabiliser. Si les élections pouvaient vraiment changer quelque chose, ça ferait bien longtemps qu'on ne serait plus en train de galérer. Dans les pays qui pratiquent la démocratie représentative, tout le monde aurait de quoi se loger, de quoi se nourrir. Tout le monde aurait accès à la liberté, à la culture, à l'éducation, aux soins. Personne ne mourrait pour essayer de rejoindre ces pays dont la démocratie se limite à choisir par qui tu vas te faire écraser. Et on n'aurait pas besoin de coller des gens en prison pour maintenir ce système. Bref. Alors, chère auditrice abstentionniste, et aussi toi, chère auditrice qui voudrait nous rejoindre mais qui hésite encore, j'avais envie de te faire écouter quelques petits spots que j'ai piqués à Méga Combi, une émission de radio qu'on pouvait écouter jusqu'à il y a 2 ans sur Radio Canu. On va commencer par un spot qui devrait parler à toutes et tous, puisqu'il s'agit d'écologie. Savez-vous que 43 millions de cartes d'électeurs, c'est l'équivalent d'une forêt de 100 hectares qui disparaît en un jour ? Si on ajoute à cela tous les bulletins de vote, les tracts, les affiches, les professions de foi, c'est l'équivalent de la surface de la Belgique qui part en fumée avec les élections. L'abstention, un geste éco-citoyen. S'abstenir, c'est sauver la planète. Et pour celles et ceux qui hésitent encore, on a peut-être de quoi vous motiver. Vous avez regretté d'avoir voté Chirac en 2002 ? Vous avez dépensé trop d'énergie à militer pour le non, pour le référendum sur la Constitution européenne. Vous aviez vraiment la mort de voter pour Ségolène Royal en 2007 ? Vous avez voté au cantonal, mais vous ne voyez jamais votre cantonnier. Ça suffit comme ça ! N'y allez pas ! N'y allez pas. Si vous nous ramenez une carte d'électeur, repartez avec 20 euros de chèque cadeau. Pour 2 cartes d'électeur, 50 euros. Et si vous ramenez une carte d'un électeur du Front National, vous aurez 100 euros. Chèque utilisable au pâté, au alibi ou au kebab du coin. Vous pouvez aussi parrainer un abstentionniste et ainsi cumuler des points Smile. S'abstenir, c'est s'enrichir. Ceci était un message de la Caisse Nationale de la Solidarité envers les abstentionnistes. Et puis, comme les candidats et candidates ont une fois de plus fait de la sécurité une des principales thématiques de leur campagne, c'était difficile de passer à côté. On vous rappelle que certains bureaux de vote sont dans des bâtiments contaminés à l'amiante. J'ai fait un recours, mais ça traîne depuis 5 ans. J'ai déjà perdu un poumon. On note, à chaque élection, une recrudescence des vols à main armée aux sorties d'isoloirs. Bon, la dernière fois que j'ai été voté, je me suis fait casser la gueule. Et pouvons-nous encore faire confiance aux assesseurs? Moi, avant d'être assesseur, j'étais mercenaire en Libye. Mais j'ai perdu mon taf. N'oubliez jamais, si vous êtes entré par inadvertance dans un bureau de vote, ne paniquez pas. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Il est encore temps de faire demi-tour. S'abstenir, c'est la sécurité. Pour terminer, on va s'écouter un petit live qui nous vient de la dernière campagne pour les présidentielles qui ont porté Macron au pouvoir. C'était sur notre antenne un soir de 2017. Thank you. riche campagne, ça pourrait être drôle. Abstiens-toi, ne vote pas. Quand je vois toute leur guignolerie, j'ai envie de me barrer de ce pays. Les médias nous bassinent depuis 5 longs mois. Abstiens-toi, ne vote pas. D'y penser, j'en ai la nausée. Éteins ta télé et viens chanter. Ça vaut 150 ans de notre RSA. Abstiens-toi, ne vote pas. Tout ce que Fillon a détourné, en plus il est contre l'IVG. Il a pour sans réserve les bombes de Poutine. Abstiens-toi, ne vote pas. Il se drape dans le bleu, blanc, rouge. Mélenchon ne vaut pas mieux que les autres. Les médias nous fascinent depuis 5 longs mois. Abstiens-toi, ne vote pas. D'y penser, j'en ai la nausée. Éteins ta télé et viens chanter. Il voudrait nous faire croire qu'il est plus social. C'est à mon abstention. Le PS, c'est l'état d'urgence. La loi travail et les expulsions. C'est la droite des idées et la droite du pognon. C'est Macron, abstention. Le banquier ne sert que la finance. Il défendra l'intérêt des riches. Les médias nous bassinent depuis 5 longs mois. Abstiens-toi, ne vote pas. D'y penser, j'en ai la nausée. Arrête internet et viens chanter. Depuis plus de 50 ans, c'est la même rengaine. Les Le Pen, c'est des fachos. Ils ont proclamé avoir changé, mais on ne se laissera pas duper. On essaie de faire peur pour aller voter. Abstiens-toi, abstiens-toi, ne vote pas. Si demain tu t'en vas voter, sois sûr que tu vas le regretter. Les médias nous bassinent depuis trop longtemps. Abstiens-toi, abstiens-toi, ne vote pas. J'en ai la nausée. Éteins ta télé et viens chanter. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes. On a un petit peu de temps, peut-être passer un petit morceau de musique avant de passer aux annonces. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont donneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanes et pompiers, Votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venu nous en paix. Votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas. On le sait, parce que décolonisé, pour vous c'est déstabilisé. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. On est de retour dans le magazine Libertaire en direct sur Jet FM comme chaque mercredi à partir de 12h05. On va passer aux annonces et la première annonce c'est celle de la manifestation de samedi, donc du 29 février, et c'est une manifestation à Nantes contre la bétonisation et les projets destructeurs. C'est à partir de 12h et je vais vous lire l'appel. 50 ans d'alarme et voilà le carnage. Et elle s'acharne, soyons le vacarme. Bétonisation, précarisation, extinction du vivant, l'urgence est globale, l'urgence est locale. Carnavalon à Nantes, samedi 29 février, contre tous les projets destructeurs de l'Ouest et d'ailleurs. Surf park à 10 km de l'océan, prolifération des fermes, usines et poubelles nucléaires, extension d'aéroports, nouvelles autoroutes, rocades, ports de plaisance, propagation des zones commerciales, logistiques et pavillonnaires, surveillance de masse et aseptisation de nos villes et de nos vies. Nous, collectifs locaux en lutte contre ces projets mortifères, convions toutes et tous les défenseurs de la terre, de l'eau, du vivant à une puissante confluence dans les rues de Nantes. Cette invitation est un point de départ. Contre la culture de l'égoïsme, retrouvons-nous, manifestons-nous, organisons-nous, luttons ensemble, ici et partout. Et c'est signé Confluence des luttes de l'Ouest. Et on va écouter l'appel, le son en fait, qu'ils ont fait, qu'ils et elles ont fait pour appeler aussi à rejoindre cette manif samedi. Salut, je m'appelle Anne-Gaëlle ou Dune, suivant les moments. Donc je suis sur la ZAD de la Dune à Bretignolles-sur-Mer depuis le 6 octobre. Et je fais partie des copains qui vont aller le 29 février donc à Nantes pour la manifestation de convergence des luttes sur les lieux inutiles de bétonnage massif. On en a ras-le-bol. Voilà, et ben voilà, j'ai 41 ans et je trouve qu'à un moment donné, j'ai pas grand-chose aujourd'hui dans ma vie qui me fait que je me sens bien, sauf quand je défends des choses qui me semblent utiles. Et je trouve que ouais, c'est très utile de défendre la planète parce qu'on n'en a plus qu'une. On n'a pas de plan B, comme disaient certains il y a quelques années. Mais du coup, j'ai que moi à défendre, mais j'ai envie d'y être pour faire en sorte que les autres aussi puissent être bien dans le monde à venir et construire un autre demain avec un monde des possibles. Je crois que c'est encore à peu près possible. Voilà, on arrive peut-être en bout de course, mais on y est encore. Donc battons-nous et allons-y. On se retrouve le 29, les copains, on compte sur vous. Bonjour, c'est Antoine. Moi, je suis venu ici parce que j'avais très envie de voir ce que c'était une ZAD, en vrai. Et aussi parce qu'il me semble que c'est important d'essayer de s'investir pour éviter les projets inutiles et destructeurs, histoire que qu'on soit cohérent vis-à-vis des objectifs climatiques. Alors, je m'appelle Emmanuel, je suis prof, et c'est la première fois aujourd'hui que je viens dans une ZAD. Clairement, j'ai encore jamais manifesté pour l'écologie, mais par contre, depuis quelques temps et de manière grandissante, une conscience écologique. Et je pense que c'est important de faire des premiers pas tous ensemble. Et je suis curieuse de voir ce que ça peut faire tous ensemble si on s'unit ensemble. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que il y a de tout. Tout le monde peut lutter pour l'écologie. Donc je vais me rendre le 29 à Nantes à la manif de convergence des luttes parce que moi je suis en lutte contre un projet de déviation routière non loin d'Orléans et que je pense qu'il faut créer du lien pour s'organiser pour contre-attaquer le capitalisme et l'autoritarisme. Je suis Julie, je suis étudiante et je me mobilise pour la défense du vivant sous toutes ses formes et je vais venir le 29 car je pense que c'est important de se mobiliser aujourd'hui car demain il sera trop tard de toute façon donc c'est maintenant qu'il faut aller marcher, c'est maintenant qu'il faut faire des projets et, ensemble. Coucou, du coup pourquoi le 29 pour moi? En fait c'est plus de manière pratique que ça m'intéresse beaucoup de faire ça le 29 parce que ça tombera un samedi. Du coup un samedi, on sait ce qui se passe le samedi, il y a souvent des manifestations gilets jaunes. En fait, l'idée, je pense que tout le monde est au courant, c'est de base la convergence des luttes écologiques du Grand Ouest. Et donc ça pourra nous permettre d'avoir une portée directe, quoi, médiatique, je pense, et je l'espère. Et donc voilà, ça aura de la gueule, ce sera créatif et ce sera très bien. Voilà, j'ai pas d'inspi, désolé, bisous et caresses. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai 52 ans et je vais venir à la manif du 29 février parce qu'en fait, je découvre tous ces collectifs qui réunissent des personnes de tous les horizons, de tous les âges, qu'ils arrivent soit de collectifs qui existent déjà ou qui ne sont d'aucun collectif, mais en fait, tout le monde, absolument tout le monde, est pour juste la sauvegarde de notre terre dont nous avons besoin, tout le monde en a besoin pour survivre. Et du coup, comme je sais que tout le monde est bienvenu, ça fait longtemps que je cherche un sens à ma vie, je n'y trouve pas parce que je n'ose pas. Et là, je m'aperçois qu'on est très très bien accueillis et c'est juste formidable. Alors moi, c'est Loïc, donc je fais partie de différents collectifs à Nantes et dans le pays de Ré. Je viens le 29 parce que c'est important de montrer qu'on est nombreux contre ces projets-là, qu'on n'a pas peur et que finalement, c'est la victoire de changer de camp, c'est que c'est plus à nous d'avoir peur de tous ces projets-là et des personnes qui les défendent, mais que ces projets-là, ils sentent plus en sécurité d'être faits en fait. C'est pas normal que ces projets-là se font, c'est d'un autre temps. Et puis maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut construire le monde du coup, qui nous correspond, un monde résilient, un monde plus vivable, où on pourra avoir un avenir, finalement, pas un monde où l'avenir, c'est juste le fric et le béton. Bonjour, moi je m'appelle Malika, je suis une mère de famille et à travers toutes les luttes et puis la situation écologique, économique et du vivant qu'on est en train de voir, qu'il y a une grande destruction. Donc plutôt que de rester au fond de mon canapé et puis de m'occuper de mes tâches quotidiennes ou d'aller servir la soupe à mon patron, je préfère venir tous ensemble et dans la joie, la bonne humeur et puis dans l'amour et en espérant, en faisant en sorte que oui, un autre monde est possible et je garde espoir et voilà. Yes, du coup c'est Nathanaël de l'association Makigo, donc pour la protection du vivant. Du coup cette manif de convergence des luttes nous interpelle parce qu'effectivement de tous les côtés il y a de la destruction de vie, il y a de la bitumisation, il y a de la déforestation, enfin il y a énormément de choses via notre consommation aussi qui se passe. Et donc c'est important de se réunir et de s'organiser pour effectivement lutter contre un système qui est mortifère et qui nous envoie droit dans le mur. Ils le savent aussi, donc c'est à montrer aussi la détermination et qu'on veut agir ensemble et qu'on est nombreux et qu'on est déterminés. Alors moi je suis Solène, j'ai 28 ans. Après un retour de voyage, je me rends compte en fait je reviens à l'échelle locale et je me rends compte que je dois mettre les pieds en fait dans les endroits où j'ai envie de comprendre les choses. Du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai remis les pieds dans les premières luttes, les pieds aussi dans les ZAD, y voir qu'en fait ce sont des gens merveilleux et ce sont des gens qui donnent de leur énergie, de leur temps, qui consacrent leur vie à tout ça. Aujourd'hui, je veux participer à cette convergence des luttes parce que je pense que je peux être aussi l'objet de passerelles en fait entre les gens. Et aider à redorer aussi l'image de tous ces gens qui luttent au quotidien et surtout démonter les croyances et les mythes. Voilà. Et ben moi c'est Swan et je viendrai le 29 février pour inviter toutes celles et ceux qui sont motivés à lutter contre les grands projets inutiles et destructeurs et pour leur dire que c'est comme ça qu'il faut lutter et que c'est une manière qui permet de se retrouver et se retrouver les uns et les unes et les autres. Voilà. Alors venez tous le 29, ça va être chouette. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire, donc vous venez d'écouter l'appel audio à la manif du 29 février, avec des interviews de personnes qui étaient présentes donc au week-end de préparation donc de cette manifestation, un week-end qui avait eu lieu sur la ZAD de la Dune du côté de Bretignolles. Donc la manif de convergence des luttes contre les projets inutiles, ça sera samedi 29 février. Le rendez-vous est à midi au Miroir d'eau à Nantes. Et il y existe un blog de Convergence des luttes du Grand Ouest où vous pouvez trouver toutes les infos au fur et à mesure de l'avancée donc de l'organisation sur cette manif. Donc c'est lesbétontoutattaché.org. Sur ce blog, vous pouvez retrouver un formulaire pour le logement à Nantes si vous venez de loin et que vous voulez être hébergé sur Nantes. Un tableau pour les covoiturages, des affiches et tracts de la manif disponibles si vous voulez en déposer ou en afficher dans des endroits pour alerter, pour inviter à la manifestation. Il y aura aussi donc la garderie populaire à Nantes, dont le contact est garderiepopulairepaysnantais@riseup.net, ou alors vous allez sur leur Facebook, donc garderie populaire. J'ai pas le numéro de téléphone affiché sur mon papier, mais vous pouvez le trouver sur le Facebook pour prévenir au moins la veille. En attendant aussi, vous pouvez retrouver la carte des projets inutiles du Grand Ouest donc sur le blog aussi lesbéton.org. Et l'idée de cette manifestation, c'est aussi de créer, via la préparation d'une action commune massive, une fédération des collectifs à l'échelle du Grand Ouest et de lancer une convergence durable des luttes. Alors pourquoi une manifestation à Nantes spécifiquement? Parce que Nantes Métropole, c'est la métropole dans le Grand Ouest qui représente et porte le plus tout ce que nous combattons. C'est-à-dire la gentrification, l'urbanisation, l'importance des campagnes environnantes, attractivité toujours plus de croissance économique, détruisant notre avenir commun, faux discours sur l'écologie, autonomie alimentaire, etc. Beaucoup de projets inutiles se retrouvent également autour de cette dynamique de métropolisation dans le 44. Donc faites tourner le mot, samedi 29 février à Nantes, montrons-leur que nous ne sommes pas isolés dans nos luttes et bien plus nombreux que les bétonneurs de chaque localité le croient. Donc voilà, je rappelle le blog, c'est lesbéton.org. Ok, ben toujours dans le cadre de cette manif du 29, moi je vais vous causer d'un convoi vélo dans le but de s'opposer aux projets inutiles, dont une zone commerciale démesurée incluant un McDo à Valette ou un hangar géant au Leroux-Bottereau, deux projets parmi tant d'autres dont il sera question le 29 février prochain. Dans le cadre de la manif contre les projets inutiles qui aura lieu du coup le samedi à 14h à Nantes, plusieurs habitants du vignoble se sentant concernés proposent un convoi vélo pour s'y rendre. Festif mais déterminé, ce convoi a pour but de mettre en lumière les projets du vignoble écologiquement et socialement aberrants. Rendez-vous donc en vélo samedi 29 février à 10h30 à la gare du Palais. Et on continue du coup avec les autres annonces. Ce soir, aujourd'hui, donc mercredi 26 février, à Pollaigne, il y a la permanence des dévoreuses, la bibliothèque féministe. Attention aux nouveaux horaires. Les nouveaux horaires, c'est 18h30, 20h30. Et l'idée, c'est de rencontrer les membres de la trousse à outils, de grignoter avec elle et de refaire le monde. Et comme toujours, il y aura des romans féministes, des ouvrages de militants militantes, un infokiosque, des livres sur les sorcières, les expériences des travailleuses du sexe ou les luttes des femmes racisées. Un coin pour les plus petits, la bibliothèque féministe de l'asso Trousse à outils est pleine de trésors à découvrir. Viens nous voir et emprunter des livres. Donc c'est le 26 février ce soir à 18h30 à Pollaigne. Toujours aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une permanence d'autodéfense juridique. Alors il ne s'agira pas de faire une quelconque conférence ou une leçon sur la manière dont fonctionne l'appareil répressif français. Au contraire, l'idée est la suivante. Partir des questions, des inquiétudes, des situations des personnes présentes pour essayer de saisir ce qui est à l'œuvre dans la répression politique actuelle et pour tenter de dérouler toutes les stratégies possibles pour y faire face. Aucune prescription, bien sûr. Si la défense collective est une possibilité que nous pensons souvent pertinente, il est clair que chacun, chacune est tout à fait légitime, selon sa situation et les enjeux qui lui sont propres, de réagir comme il lui semble bon. Cette permanence est le premier moment d'une séquence au long cours. D'autres rencontres suivront chaque mois dans l'idéal, sous cette forme et sous d'autres formes. Donc ça se passe aujourd'hui, c'est à 19h à la dérive, 1 rue du Guet-Robert à Nantes, et donc accessible tram 1 Moutonnerie ou bus 12 Marcel Athée. Alors, j'ai une annonce qui se passe ce soir, donc mercredi 26 février à 20h à Rezé, au squat de la commune, donc 53 rue de la commune à Rezé. Il y a une réunion de quartier pour Rousseau face au projet immobilier qui le menace. Donc, j'ai le temps de lire le petit papier. Donc, ce samedi 22 février 2020 a eu lieu la première réédition du carnaval du quartier Pont-Rousseau à Rezé. Dès 14h, place Pierre-Sémard, des dizaines d'enfants et d'adultes se sont réunis pour se déguiser, se maquiller et danser. À 17h, près de 200 personnes costumées ont commencé à parader dans les rues du quartier. Le cortège s'est dirigé vers les bords de Sèvres, puis a serpenté dans les rues du Danube, l'Amour, les Forges, venelle piétonne caractéristique du quartier en voie de destruction, disparition. Au fil de la journée, plusieurs centaines de personnes ont participé à ce carnaval réalisé sans argent public, ni réseaux sociaux, mais dans la joie collective. Le défilé s'est terminé sur le parking du supermarché Lidl, désormais fermé et voué lui aussi à la destruction. Les tristes tas de terre anti-intrusion se sont transformés en un superbe terrain de jeu pour petits et grands, jardinage, danse, cache-cache, expression graphique. La nuit tombée, le roi du carnaval à l'effigie d'un tractopelle, en référence au projet immobilier en cours dans le quartier, a été jugé par la foule et mis à feu. La soirée s'est poursuivie autour d'une soupe partagée, donc au 38 rue Jean Jaurès, puis d'une grande fête au 53 rue de la Commune. Donc ce carnaval a pris place dans un quartier en pleine rénovation urbaine avec des changements de grande ampleur déjà constatés et aussi attendus dans les années à venir. En particulier, une grande partie du bâti de l'îlot L'Amour, les Forges, est amenée à disparaître. Un exemple désormais emblématique est celui du squat du 53 rue de la Commune qui offre un espace d'habitation et de travail non seulement à des artistes mais aussi à de nombreux habitants habitantes du quartier. Ce squat risque d'être expulsé dans les jours à venir pour faire place nette au projet des promoteurs immobiliers. Pourtant, ce lieu s'est révélé utile comme centre social et maison de quartier informel autour d'un bâti et de jardins intéressants, d'une surface commerciale inscrite dans l'histoire du quartier, très qualitative et singulière, à préserver et à réhabiliter. Nous affirmons notre soutien au squat du 53 rue de la Commune. Nous appelons à la levée immédiate de tout risque d'expulsion et à la mise en place d'un dialogue constructif entre les propriétaires, la mairie, occupants du 53 rue de la Commune et habitants-habitantes du quartier. Ce lieu apporte une dynamique bénéfique pour le quartier. Nous souhaiterons aussi l'établissement d'un moratoire sur l'ensemble des projets immobiliers concernant l'îlot, l'amour, les forges. Nous ne sommes opposés ni à de nouvelles constructions, ni à une possible densification urbaine, mais ceci doit se faire dans le respect des usages des habitants-habitantes déjà existants ou à venir. Force est de constater que c'est peu le cas dans l'état actuel des projets proposés. À titre d'exemple d'usage nouveau, face à la fermeture coupure autoritaire du passage par le Lidl, nous avons ouvert ce samedi une nouvelle venelle reliant différents jardins du quartier. là où un mur en schiste s'était écroulé par manque délibéré d'entretien. La richesse de ce quartier est menacée par les nombreux projets immobiliers standardisés, passés, en cours ou annoncés. Il faut reprendre le travail commun et être attentif aux qualités de l'existant pour en permettre des évolutions socialement utiles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous convions les habitants, habitantes et collectifs à une vigilance quotidienne quant au risque d'intervention policière et d'expulsion du 53 rue de la Commune et un soutien immédiat sur place, le cas échéant, à une discussion donc ce soir, à 20h, au 53 rue de la Commune à Rezé. En cas d'expulsion d'ici là, rendez-vous au canon à pâtes rue Alsace-Lorraine pour discuter de la suite. Et il y a un contact, donc il y a plusieurs collectifs et associations signataires. Et il y a un contact que je peux donner, c'est contactcarnaval@riseup.net. Eh ben moi, je vais vous lire l'appel pour une soirée d'info-atelier contre l'agrochimie et son monde, Free the Soil. Free the Soil est un appel international à passer à l'action contre l'impact destructeur de l'agriculture industrielle et plus particulièrement l'agrochimie. Cette campagne dénonce la responsabilité des producteurs d'engrais de synthèse azotée dans le chaos climatique et social. L'agriculture industrielle est une source majeure de gaz à effet de serre, responsable de 44 à 57% des émissions mondiales. C'est le fait des changements d'utilisation des sols, des fonctionnements profondément dépendants de l'extravicisme fossile, pour la production d'engrais notamment, et de l'épandage d'engrais azotés. La production et l'utilisation des engrais de synthèse représentent ainsi à eux seuls 10% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture industrielle n'est pas seulement néfaste pour le climat et le vivant, elle s'inscrit aussi dans un schéma colonial et perpétue la mainmise de quelques multinationales et organisations du Nord sur le Sud. De plus en plus de terres sont soustraites aux paysans et paysannes pour mettre en place des monocultures chimisées. La plupart de ces cultures sont utilisées pour la fabrication de biocarburants, d'aliments transformés ou pour l'industrie de la viande, sans égard pour les écosystèmes locaux, les communautés autochtones ou la souveraineté alimentaire locale. De quoi contribuer amplement au chaos climatique et social. Les multinationales des engrais azotés ont un rôle central dans ce système, la France étant le premier pays consommateur de ces engrais en Europe, le deuxième au monde après les États-Unis, il est de notre ressort de mettre l'agrochimie hors de nos vies, en solidarité avec les communautés impactées des pays du Sud. Depuis leur production jusqu'à leur utilisation dans les champs, les engrais de synthèse azotée sont un véritable cocktail nocif pour l'environnement. Émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau par les nitrates, pollution de l'air par les particules fines. Yara domine le marché mondial de la production d'engrais de synthèse et est le premier acheteur de gaz fossile en Europe, notamment gaz de schiste. L'entreprise pratique un lobby actif pour son compte à l'Union européenne. Nous ne laisserons pas impunie cette multinationale, emblématique de l'agriculture industrielle et de son monde. Yara est implantée en France, notamment à Montoire-de-Bretagne, dans le 44. Dans cette usine proche de Saint-Nazaire, Yara ne respecte pas les règles environnementales malgré les mises en demeure de l'État. La tour principale de production rejette deux fois plus de poussière que le seuil autorisé et ne dispose d'aucune station de traitement des effluents industriels. Le collectif Free the Soil se joint à la conférence du 29 février pour lutter ensemble contre ces industries mortifères et grands projets destructeurs inutiles et imposés. Afin d'échanger sur ce sujet, on vous invite donc à la soirée. Ça se passe le jeudi 27, donc jeudi demain, à 18h30, à B17, à Nantes. Toujours demain, jeudi 27, à 19h30 à la librairie Vent d'Ouest, il y a une rencontre débat autour du livre « Ne travaillez jamais » avec Alastair Emmens qui parlera de son ouvrage « Ne travaillez jamais » paru aux éditions Crise et Critique. Donc c'est à la librairie Vent d'Ouest, c'est demain à 19h30. Un rendez-vous aussi pour demain du côté de la Maison des syndicats, à 1 place de la Gare de l'État à Nantes. À partir de 18h, des 18h à 20h, il y aura une soirée débat qui s'intitule « Prends place dans la lutte » avec le comité des privés d'emploi et précaires de Nantes. Donc, au programme, il y aura une présentation du comité, une discussion autour du chômage, l'outil du patronat, les luttes actuelles, l'assurance chômage, les contrôles, les offres illégales, les actions à mener et, pour terminer, un verre de l'amitié et un dîner partagé sous forme d'auberge espagnole. Alors j'ai aussi un autre rendez-vous pour vendredi à 18h. Un rendez-vous à ce qu'ils intitulent « Contre les 12 nominations de Polanski au César ». C'est un rendez-vous par les féministes révolutionnaires de Nantes. Donc je lis l'appel. Accusé d'agression sexuelle et de viol, le réalisateur Roman Polanski est nominé 12 fois pour la cérémonie des Césars qui se déroulera vendredi prochain. Alors que le milieu du cinéma est meurtri par les dénonciations multiples qui s'accumulent depuis 2017 et la vague MeToo, il continue à honorer des violeurs, des agresseurs. Comment séparer l'homme du cinéaste quand tout un système encense le patriarcat le plus violent? La vague de riposte a commencé. Continuons-la. Rendez-vous vendredi 28 février à 18h avec vos pancartes et slogans pour un rassemblement devant le cinéma Gaumont, place du Commerce à Nantes. La soirée des Césars ne se déroulera pas sans les féministes. Et vous pouvez retrouver donc toutes ces informations sur le blog Féministes Révolutionnaires Nantes, tout attaché, .wordpress.com. Donc nous avons fini avec les annonces. Nous allons... Tu as un petit morceau de musique en rab. Un petit peu de musique. Ils peuvent tuer le révolutionnaire, mais pas la révolution. Ils peuvent contrer nos actions, mais pas nos intentions. Ils peuvent bâillonner nos bouches, mais jamais nos idées. Ils peuvent censurer l'expression, mais pas la liberté. Ils peuvent stopper la musique, mais pas nos récits. Ils peuvent pendre le poète, mais pas la poésie. Ils peuvent tuer le résistant, mais pas la résistance. Ils peuvent enchaîner nos mains, mais jamais nos consciences. Ils peuvent appauvrir nos poches, mais jamais nos cerveaux. Ils peuvent asservir nos proches, mais pas nos idéaux. Ils peuvent effacer nos mémoires, mais jamais notre histoire. Ils peuvent nous prendre la victoire, mais jamais notre espoir. Ils peuvent lui raser la crinière, ils ne prendront pas la royauté du lion. Ils peuvent assassiner le rebelle, mais pas la rébellion. TFM. D'accord, on a eu un petit problème technique, donc on recommence. On disait qu'on était à la fin de l'émission pour aujourd'hui et qu'on se retrouvait la semaine prochaine à 12h05 sur JetFM 91.2 à Nantes et sur JetFM.fr. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne convergence. Ciao. sans même les regarder. Je ne compte pas m'attarder. Je remplis des bocaux, engloutis un verre d'eau, le ventre rassasié. Je sors de mon ghetto, direction le métro. Périphérie sur le quai, la flamme de mon briquet. J'irai à leur banquet, une bouteille et un bouquet de roses. Me payer mes paquets d'heures sans pause. Plus le jardin, les lardons, le parfum. Le jardin, le quartier, le piton, mon labeur, le larbin. La villa bien gardée, les tableaux, les tapis. Les photos placardées, les motos, les ordis. Le satin, les rubis, le bourbon, le bordeaux. Le château chinon, les chevaux et le bateau. Je suis courbé, j'ai subi leurs égos, leurs jargons. Mon dégoût est à bout, je vais tout réduire en charbon. On m'a trompé, trahi, mitraillé, troué. Trop pris pour un chien, viré comme un rien. Produit avarié, sérieux salarié, se salissant les mains. Harcelé par l'huissier, désormais sans les siens et sans lendemain. Et je leur crève le gosier juste avant l'explosion. Je souris au brasier et rentre à la maison. Vengeance, pure vengeance. Vengeance, pure vengeance. On avait un taf à faire, il fallait qu'on trouve un fer. Je suis allé voir deux, trois frères qui ont toujours une bonne affaire. Y'avait une petite allemande à vendre. Tarot, défiant toute concurrence. Transmission intégrale, 265 chevaux de puissance. C'est pas un riffaff, mais vu ce qu'on en fera, ça suffira à rallier les 20 bandes qui nous séparent de Riva. Bref, je prends le véhicule, je le dépose dans le box à nounours. RTV avec mes deux autres potos pour aller voir la source. On se pose dans le PK, les nouvelles sont pas mauvaises. Y'aura tant dans le coffre, tant d'employés ce jour-là, impeccable. On filoche un peu, histoire de voir de nos propres yeux. Première fois que je bosse avec Zraclon, son tuyau a l'air sérieux. On décide d'y aller, tel jour à telle heure. Je suis pressé, de moi que je suis sorti, j'ai pas de sous, je suis stressé. Voici le jour J, mon poteau se garde devant. Dans ma poitrine, l'adrénaline fait cogner mon palpitant. Et puis enfin je rentre dedans, mon pote me succède. On a ce qu'il faut dans la main pour se faire comprendre sans perdre de dessin. Je me fais conduire au coffre, que je vide, on a rien dedans. On a tout pris, argent, objet de valeur, on fout le camp. En zone rouge sur le périph', on arrive à bon port. On confie l'auto à Maraclo pour qu'il la brûle, pas du boulot. Trois semaines sont passées et on s'est tous fait péter. Les schmitts ont trouvé notre ADN dans la voiture qui était censée être brûlée. Inutile de chercher la donneuse, l'autre a gardé l'auto pour faire le pot devant des miches donneuses. Putain, gaz départ, retour au jetard pour quelques années. Mais à ma sortie, bâtard qui a merdé, devra s'expliquer. Yes. Vengeance, pure vengeance, vengeance, pure vengeance, vengeance.